L'enlève est assuré, y'a du talent dans ma ville. Viens faire un tour, ça manie la plume de manière habile. De 1, Val de 9-4, c'est la crème de 2. Les erreurs de français sont voulues, je fais qu'est-ce que je veux. On apprend rien sans se brûler, on joue avec le feu. Roule avec mec, valeureux les meufs, je te veux. Claque nos lovés chez le braqueur, les cercles de jeu. Tant que t'en veux, t'es pas crendo, tu vis mon vieux. Ok, adolescent, j'apprends à faire avec ou sans les mecs. J'écris les textes pour les grands qui veulent me ressembler. Ouais, se reconnaîtra qui veut. Suivez mon regard malicieux, j'vois si peu de sincérité ailleurs que dans mes yeux. J'ai pas la vie d'artiste, j'tue le temps que je m'imparti. J'manque d'assiduité dans les bois que j'enchaîne. J'fais acte de présence auprès des gens que j'aime. Pour mon bouche à oreille, j'rappe la rue, fais le reste. Le peu de moyens justifie la fin. La vie n'est qu'un test, tiens pote, si Dieu veut, on fait les comptes à la fin. J'suis pas le petit frère d'un tel, la pute à machin. Mieux vaut être moi parmi les miens que roi parmi les putains. Le fond, la forme, la précision du propos, le sens de la formule qui est trop. NES, le peu de moyens justifie la dalle. J'suis le bitume avec que dalle, le meilleur de val. J'suis pas fait pour le bis, comprends-tu ce que j'veux dire. Mon premier pif, t'entends la rue, n'a fait que peu de petits. J'apprends où tout s'opère, tout tourne autour de l'oseille. Véridique, à l'heure où le bon lui fait la sourde oreille. Connaissent rap, les tiens l'ont tous mauvaise. Quoi une fin certaine, l'alcool joue son rôle à merveille. Hymne à la finance, la Guinness. Je me tue à petit feu chaque jour, y'a que des rimes qui naissent. Je répète ça pour que ça entre bien. On m'en dit pas respect, on l'impose, on l'entretient. La vérité, les mêmes qui te sucent et qui te crachent dans le dos. La rue est une histoire salive, y'a ceux qui en boivent, ceux qui la vivent. J'apprécie le silence, les murs ont Louis Fine. Silence. Ambition à la baisse, impertinence, c'est connaissent. Les frères du quartier, les vraies valeurs. À quelques détails près, ma vie c'est la leur. Le peu de moyens justifie la fin. La vie n'est qu'un test, tiens pote, si Dieu veut on fait les comptes à la fin. J'suis pas le petit frère d'un tel, la pute à machin. Mieux vaut être moi parmi les miens que roi parmi les putains. Le fond, la forme, la précision du propos, le sens de la formule qui est trop. NES, le peu de moyens justifie la dalle. J'suis le bitume avec que dalle, le meilleur de val. Dédié à Corso Lorenzo, si si. R2SY, BPM mon réseau. L'enfer c'est pas les autres, non. On le peut rincer les ailes. Le réseau banlieusard de la région parisienne. Nos anciens sont pas les rappeurs, à qui la faute. Laisse ton école, on a créé la nôtre. Équipe. Dédié aux frères de rue, soit tu roules avec nous, soit tu roules du cul. Coronesse. Certains m'accusent de voracité. Eh bien, la voracité. Mais je dirais plutôt la faim est utile. La faim est bonne. La faim est un moteur. La faim clarifie les problèmes. Elle décèle et s'imprègne de l'essence même, de l'évolution de l'esprit. La faim, sous toutes ses formes. Oui, la faim de la vie, de l'amour, de l'argent. Notez bien mes paroles.